France Inter, franceinter.com. On l'a oublié, mais c'était plus qu'un symbole du totalitarisme, une nécessité économique pour la RDA, l'ex-Allemagne de l'Est. Je veux bien sûr parler du mur de Berlin qui est tombé il y a tout juste 20 ans sous les coups de boutoir de la démocratie. Écoutez par exemple ce que disait le numéro 1 de la RDA, Walter Ulbricht, quelques mois seulement avant la construction de ce mur qui allait couper Berlin en deux. Dans le combat économique et politique contre notre République, Berlin-Est joue le rôle de filière à l'aide de laquelle s'effectue ce commerce de chair humaine et par laquelle aliments et autres produits s'échappent de notre République. Berlin-Ouest est par conséquent une énorme brèche au milieu de notre République qui nous coûte plus d'un milliard de marks chaque année. Il fallait donc, selon Ulbricht, combler tôt ou tard cette brèche, ce qui fut fait le 13 août 1961 avec une célérité tout à fait extraordinaire. La preuve que depuis longtemps, les communistes avaient programmé cette opération qui a semblé prendre par surprise les Occidentaux. Je dis bien « sembler » car à l'Ouest, certains savaient. Ce n'est pas le moindre mystère de cette affaire qui a été aussi l'un des points culminants de la guerre froide. Avec M. X, qui nous a déjà entretenu de l'implication de la RDA dans le terrorisme et de l'édification d'un autre ouvrage exceptionnel, la construction du tunnel sous Berlin qui permettait aux Américains d'espionner les Soviétiques, nous ouvrons donc une nouvelle page du dossier Berlin. The beat goes on. Rum and him and beat mit 100 Pfund. La di da di di. La di da di da. The beat goes on. Der Bass rollt dumpf und stampft bei jedem Ton. La-di-da-di-di. La-di-da-di-da. Jetzt glaubst du, du hast dich hierher verirrt. La-di-da-di-da. Sie peitscht die Luft mit ihrem langen Haar. Sie riecht nach Atem, sie ist wunderbar. Wir tanzen Beat, weil uns der Beat gefällt. Der Welt. Permettez-moi de commencer par une grossièreté. Nikita Khrouchtchev, qui avait gardé de son enfance paysanne en Ukraine un langage cru, a déclaré un jour « Berlin, eh ben c'est la paire de testicules des Occidentaux. » Il n'y a peut-être pas du testicule, d'ailleurs. Oui, enfin, ça, je m'en doute. À chaque fois que je veux les faire crier, j'appuie dessus. C'est imagé, mais c'est aussi assez exact. Et Khrouchtchev, et avant lui Staline, n'ont pas manqué de se servir de Berlin pour jouer avec les nerfs de leurs anciens alliés de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut bien dire que la situation de la ville s'y prêtait. La situation géographique, vous voulez dire. Et politique. Il suffit de regarder une carte pour comprendre l'absurdité de cet état de fait. Berlin, ancienne capitale du Troisième Reich, est soumise à la tutelle des quatre vainqueurs de 1945, est enclavée au milieu de la RDA. Oui, l'Allemagne de l'Est. Qui est d'abord, il ne faut pas l'oublier, la zone d'occupation du territoire allemand dévolu à l'URSS. Oui, avant de devenir la RDA en 1949. Et tandis que les zones d'occupation des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France donneront naissance à la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Cet enclavement de Berlin permet donc aux soviétiques de multiplier les provocations et même de se livrer à de véritables manœuvres de chantage dès que la situation internationale se tend. Ce sera en particulier le cas en 1948 lorsque Moscou décrétera le blocus de la ville. Un blocus auquel les Occidentaux répondront par l'organisation d'un formidable pont aérien. C'est exact. Et donc Berlin, sans reprendre l'expression imagée de Khrouchtchev, Monsieur K, comme on l'appelait, et donc une perpétuelle pomme de discorde entre les alliés d'hier. Les soviétiques menaçant en permanence de remettre en cause les traités signés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et garantissant le libre accès de Berlin aux vainqueurs de la guerre. Oui, mais alors fondamentalement, là, que cherchaient les maîtres de l'URSS? D'abord, ils ne voulaient pas de la réunification de l'Allemagne. Ils n'étaient pas les seuls, hein. Nous évoquions il n'y a pas si longtemps le fameux mot de Mauriac. Hein, oui, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Oui, c'est vrai que même à l'Ouest, la réunification faisait peur. À cause de l'éventuelle renaissance de la puissance allemande. Et du militarisme. Ouais. Aussi, à Moscou, on suspendait cette question de la réunification à la neutralisation de l'Allemagne. Mais c'est une hypothèse rejetée par l'Ouest. Oui, hein, oui, ouais. Parce que la RFA était déjà devenue une pièce du dispositif de défense en Europe. Ouais, elle avait adhéré à l'OTAN. Tandis que parallèlement, la RDA avait rejoint le pacte de Varsovie. Ouais. Est-ce que ça signifie alors que, de part et d'autre, on s'accommodait de cette situation? Je le pense. Mais il restait l'épineuse question de Berlin, et là, l'avantage était nettement soviétique. À cause de la situation géographique de la ville, avez-vous dit, hein? En effet. Alors, voyons un peu ce qui s'est passé dans les années qui ont précédé la construction du mur. Et ça ressemble comme deux gouttes d'eau à une extraordinaire partie de poker menteur. Une précision d'abord. Comme vous le savez, jusqu'en 1961, on peut circuler à peu près librement entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Il suffit de prendre le métro ou le train et tous les jours, des milliers de Berlinois de l'Est vont travailler à l'Ouest. Et pas le contraire. Non, non, parce que le travail et la prospérité se trouvent à l'Ouest. Les Allemands utilisent d'ailleurs une expression pour caractériser cette migration quotidienne. Ils disent que ces Berlinois de l'Est votent avec leurs pieds. Ouais, c'est assez joli, oui. Il y a aussi le problème de la monnaie. Oui, le mark de l'Ouest est plus fort que son jumeau de l'Est. En tout cas, cette attraction exercée par la partie ouest exaspère depuis longtemps les dirigeants communistes de la RDA. Car il y a aussi tous ces citoyens est-allemands qui choisissent définitivement d'aller s'installer à Berlin-Ouest ou en RFA. Une véritable hémorragie démographique. Et c'est d'autant plus préoccupant que les premiers à partir, ce sont les diplômés et les jeunes actifs. Ouais, et par conséquent, il faut trouver un moyen d'y mettre fin. Car outre le réel problème économique qui se pose à la RDA, il y a aussi l'aspect politique. Déjà, en 1956, lorsque les Hongrois se sont soulevés, les dirigeants communistes est-allemands ont eu peur. À cause d'une possible contagion. Bien entendu. Et dès cette année-là, le numéro 1 de la RDA, Walter Ulbricht, a tiré la sonnette d'alarme. Et il a déclaré qu'il fallait prendre des mesures de sécurité à Berlin. Il faut bien comprendre que l'ancienne capitale du Reich était la seule brèche dans le rideau de fer qui enserrait l'Europe de l'Est. Et si ça permettait aux citoyens de RDA de passer à l'Ouest pour une journée ou pour toujours, c'était aussi une porte d'entrée pour toutes sortes de gens indésirables en RDA, à commencer bien sûr par les espions. Mais ces mesures de sécurité, là, lesquelles? On en a une première idée dès l'année suivante. En 1957. Oui, oui, oui. Le gouvernement communiste de RDA instaure un délit de fuite de la République passible de 4 années de prison. Mais comment sanctionner les coupables puisqu'on peut circuler librement? Les autorités demandent aux policiers de surveiller les trains et les métros. Si un passager est trop lourdement chargé, c'est qu'il compte probablement s'enfuir à l'ouest. C'est quand même très aléatoire. Hein. Aussi, faudra-t-il envisager des mesures plus radicales. Ce sera le mur. Mais non, pas trop vite. Ce qui semble d'abord évident, c'est que les dirigeants communistes se crispent de plus en plus. À l'automne 1958, par exemple, Walter Ulbricht prononce un important discours au cours duquel, après une violente attaque contre le camp occidental, il affirme avec force que Berlin, tout Berlin, est partie intégrante de la RDA. Ça, c'est une menace. Incontestablement. Ouais. Et la balle est reprise au bon par Khrouchtchev qui annonce 15 jours plus tard que l'URSS transfère à la RDA les fonctions qu'elle exerce encore à Berlin-Est. Berlin-Est entre donc de fait dans le giron est-allemand. C'est très important parce que ça signifie la rupture du traité passé entre les alliés quant à l'administration de Berlin. Et comme si ça ne suffisait pas, Khrouchtchev envoie un véritable ultimatum au gouvernement états-unien, britannique et français. Soit on ouvre une négociation visant à faire de Berlin une ville libre. Une ville libre enclavée au sein de la RDA. Oui, autant dire qu'elle ne serait sans doute pas restée libre très longtemps. Soit l'URSS prend unilatéralement la décision de signer un traité de paix avec la RDA. Auquel cas, à partir du mois de décembre 1961, les Occidentaux n'auraient plus le droit d'occuper Berlin et il leur serait interdit d'y arriver en traversant le territoire de la RDA. Avec cet ultimatum, Khrouchtchev cherche la bagarre. C'est clair. Ouais. Et comment réagit-on dans le camp occidental? Très vivement. Car il est hors de question de renoncer au statut d'occupation de Berlin et au droit d'accès à la ville. Le général Eisenhower, qui occupe encore la Maison-Blanche, déclare même que s'il le faut, l'arme nucléaire sera utilisée. Ah ouais. Mais ce n'est que le début d'une guerre des nerfs qui va durer deux longues années. Et Khrouchtchev va souffler alternativement le chaud et le froid. On a une preuve éclatante en 1959. Après une rencontre à Camp David avec Eisenhower, M. K déclare soudain qu'il n'a jamais été question d'ultimatum de l'URSS. Ah ouais, on l'aurait mal compris. C'est ça. Mais tout de suite après, il affirme benoîtement que ses exigences demeurent les mêmes. Ils comprennent qui pourra. Hein. Non, en fait, Khrouchtchev est très cohérent avec lui-même. Il sait exactement où il veut aller. Et ce sera en août 1961, l'édification du mur. Vous pensez donc là, que ces allers-retours ne font que préparer cette inéluctable conclusion? Je le crois. En alternant brutalité et bonhomie, il pousse ses pions les uns après les autres. Et fin 1960, l'élection de John Fitzgerald Kennedy est pour lui une sorte de cadeau. Permanente Teuerung ist sozusagen kollektives Rauschgift. Rendez-vous avec X. Dans leur ouvrage Histoire de Berlin, Bernard Houdin et Michel Georges expliquent. Khrouchtchev laisse passer l'année 1960, la dernière du mandat présidentiel du général Eisenhower. Mais à peine John Kennedy est-il entré en fonction début 1961 que le problème est reposé. Khrouchtchev répète que Berlin est une dent cariée dans une mâchoire et qu'il est décidé à l'extraire. Le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique est à cette époque d'une joyeuse humeur guerrière. Les exploits de ses cosmonautes Gagarine et Titov renforce sa confiance en la suprématie de l'Union soviétique sur les États-Unis. Il clame « Nous ne sommes plus un peuple en loque. Les capitalistes doivent apprendre à dire « Bonjour, son excellence, le prolétariat ». Le livre d'Houdin et Georges a été édité en 1995 par Perrin. Hi. Hi. Un cadeau pour Khrouchtchev, avez-vous dit, à propos de l'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche, mais pourquoi? Parce que ce vieux renard aura désormais affaire à un tendron. Enfin, c'est ce qu'il croit. Un président américain jeune et encore inexpérimenté? Oui, mais c'est en quoi il se trompe. Il le constatera assez rapidement lorsque les deux super-grands se rencontrent en juin 61 à Vienne. Auparavant, je dois vous dire que Khrouchtchev, faisant flèche de tout bois, a prétexté l'incident de l'U-2, l'espion américain abattu au-dessus de l'URSS, pour saboter une conférence sur Berlin qui devait s'ouvrir à Paris en mai 1960. Oui, je me souviens. Alors cette rencontre de Vienne, là. Khrouchtchev pense donc être en position de force face à ce jeune président. Et avant même d'arriver en Autriche, le maître du Kremlin, qui aimait décidément beaucoup les images, a comparé Berlin à une dent cariée dans une mâchoire. Une dent qu'il fallait donc extraire. Et naturellement, il se proposait d'être le dentiste qui exécuterait l'opération. Quoi qu'il en soit, Khrouchtchev est d'autant plus sûr de lui que Kennedy est déjà affaibli sur le plan international. 2 mois plus tôt, la tentative américaine d'envahir Cuba et de renverser Castro s'est terminée par le désastre de la baie des Cochons. Un cuisant échec pour JFK. Même oui, si cette opération aventureuse de la CIA avait été initiée par son prédécesseur. Bah, il aurait pu y mettre un terme. C'est vrai, enfin passons. À Vienne, M. K est donc décidé à montrer ses muscles. Et d'emblée, frappe très fort. Réitérant son ultimatum, il prévient Kennedy, « Si vous voulez une guerre nucléaire, nous y sommes prêts. » Et en réponse du genou face à l'ours soviétique, Kennedy se montre pugnace et ne se laisse nullement intimider. Mais en réalité, on le sait maintenant de part et d'autre, on disposait de cartes qu'on ne pouvait montrer et qui faussaient donc le jeu. Des cartes qui leur avaient été fournies par leurs services de renseignement respectifs. Alors quoi, par exemple? Kennedy savait, grâce à une taupe du KGB, Oleg Penkovsky, que la soi-disant supériorité nucléaire de l'URSS reposait sur un bluff. Quant à Khrouchtchev, il était déjà certain qu'en cas de coup de force à Berlin, les Occidentaux n'interviendraient pas militairement. Et comment pouvait-il en être si sûr? Grâce à une autre taupe, sans doute un Allemand, qui travaillait pour le BND, le service de renseignement de la RFA, mais qui était aussi un agent du KGB. Et vous savez qui? Je crois l'avoir identifié, oui. C'était un certain Heinz Felfe, un type qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été un officier nazi et qui, grâce à de puissantes amitiés, avait fini par être engagé par Gehlen, le chef du BND. Ouais. Gehlen qui lui-même avait été un homme de renseignement important sous le Troisième Reich. Et qui avait été récupéré par les Américains, car sa besace était pleine. Oui. Le général Gehlen était en effet plus spécifiquement chargé d'espionner l'URSS. Enfin, vous savez tout cela déjà. Ouais. Ce qui est important, c'est que Gehlen a truffé le BND d'individus qui avaient un passé chargé, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, et Felfe appartenait à cette catégorie. Oui, et assez rapidement, mais il faut passer les détails, il a apporté au BND des tuyaux de première main sur l'Union soviétique. Gehlen a été tellement impressionné qu'il lui a rapidement donné du galon. Et c'est ainsi que Felfe est devenu un membre éminent du service de renseignement ouest-allemand. Oui, mais il y avait une contrepartie que Gehlen ne connaissait pas. Bien sûr, si Felfe était si bien informé, c'est qu'il puisait ses renseignements à la meilleure source, c'est-à-dire directement chez ses maîtres soviétiques. Enfin, ne soyez pas étonnés, lui comme d'autres ne pouvait rien refuser au KGB, qui avait récupéré son dossier personnel dans les archives nazies. Il faisait donc l'objet d'un chantage. Enfin, restons-en là pour aujourd'hui, car un jour, je vous le promets, ça, nous parlerons plus longuement de cet agent double. Ce que je peux simplement vous dire pour le moment, c'est que sa position éminente dans la hiérarchie du BND lui avait permis d'approcher les plus hautes autorités de la RFA et aussi de l'état-major américain en poste à Berlin. Ouais, il était donc en mesure de connaître les réactions états-uniennes en cas de coup de force des soviétiques. Et il avait pu prévenir ses amis du KGB. Les occidentaux ne bougeraient pas pour Berlin. Ce qu'un dirigeant français a traduit de façon brutale au moment de la crise du mois d'août en disant « Il n'est pas question de mourir pour Berlin ». Ouais, voilà qui avait au moins le mérite de la clarté. Hein. Bon, alors je reviens à cette rencontre de Vienne. Après ce que je vous ai dit, il est évident qu'elle ne peut déboucher sur aucun accord. Et Kennedy a été manifestement impressionné par le granit khrouchtchevien, si vous me pardonnez cette expression. En quittant Vienne, il a confié à ses collaborateurs « L'hiver sera froid ». Il a compris. Ça viendra avant l'hiver, d'ailleurs. Oui, ouais. Il ne sait peut-être pas précisément ce que soviétiques et allemands de l'Est préparent, mais il ne se fait guère d'illusions. Et à sa façon, il pose quelques jalons afin de justifier la passivité qu'il observera un peu plus tard. Vous voulez dire qu'il a déjà intégré Le fait que Moscou va agir unilatéralement. Bah, ça me paraît certain. Suffit de tendre l'oreille. Fin juillet 61, JFK s'adresse aux Américains dans un discours à la nation. Il réaffirme avec conviction que les États-Unis n'abandonneront jamais la RFA et les citoyens libres de Berlin-Ouest. De Berlin-Ouest ? Seulement Berlin-Ouest. Et il se garde bien de parler de Berlin-Est. Implicitement, Kennedy a déjà fait son deuil de Berlin-Est. Ce que confirme quelques jours plus tard un homme influent, le sénateur démocrate Fulbright, président du comité des affaires étrangères du Sénat. Lui va encore plus loin et il dit carrément que les Allemands de l'Est ont parfaitement le droit de fermer leurs frontières. Il s'étonne même qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Et si Fulbright a parlé aussi franchement, c'est qu'il exprimait l'opinion de l'administration états-unienne. Il avait reçu le feu vert de Kennedy ? C'est presque certain. Mmh. Et ça explique la suite. Mais auparavant, je vous propose de voir l'envers du décor. Du côté de l'Est, si vous voulez bien. Walter Ulbricht, on l'a vu, brûle d'envie de boucler Berlin-Est et, comme il dit, de gâcher le plat pour boucher les trous à rats. Décidément, on n'est pas avare d'image chez les communistes. En effet. Et le dirigeant est-allemand est d'autant plus pressé que la situation économique de la RDA ne cesse de se détériorer et que l'exode de sa population jeune et active s'accélère. Et c'est normal. Les Allemands de l'Est ont l'intuition que bientôt, ils ne pourront plus sortir de chez eux. Ouais, il faut partir avant la fermeture. C'est exactement ça, parce que les signaux se multiplient. La RDA a, par exemple, décidé que les diplomates occidentaux devront désormais détenir une autorisation du ministère des Affaires étrangères pour pénétrer dans Berlin-Est. Encore une entorse au traité sur le statut de Berlin, ça. Hein. Et en même temps, les gardes frontaliers est-allemands se font de plus en plus tatillons et certains checkpoints sont fermés temporairement. Ces checkpoints, ce sont les passages entre les deux parties de la ville. Hein. Et ouais. Le plus connu d'entre eux, Checkpoint Charlie, jouera même un grand rôle dans l'histoire de l'espionnage, en tout cas. Il est évident que Walter Ulbricht est en train de peaufiner son plan. Nom de code, Rose. Ou Muraille de Chine. Un peu transparent ce nom de code. Sans doute, mais Ulbricht s'en a cure, car il a déjà pris sa décision. Il faut quand même obtenir l'approbation du grand frère soviétique. Hein. Oh certes, mais là on nage en pleine hypocrisie, parce que je suis sûr que Khrouchtchev est acquis à l'idée d'Ulbricht. Seulement au moins pour la forme, il faut faire semblant. On en a une illustration au cours d'une réunion qui se tient au Kremlin en mars 61 et rassemble la fine fleur des dirigeants communistes de l'Europe de l'Est. Devant ses homologues, Ulbricht plaide l'urgence de boucler Berlin-Est. « Avec quoi ?» demandent quelques hiérarques. Le numéro 1 est-allemand parle de rang de barbelé. Aussitôt, les autres se récrient. « Des barbelés, ça ferait mauvais genre. » Et puis ce bouclage serait-il compatible avec l'internationalisme prolétarien ? Bizarre quand même tout ça. Et Khrouchtchev, lui ? Bon, il feint d'être d'accord avec ses contestataires. Mais en même temps, il autorise la RDA à préparer du matériel en vue de l'opération Muraille de Chine. Non, tout ça est cousu de fil blanc. C'est bien dans la manière de Khrouchtchev. Il ne faut jamais oublier que le champion de la déstalinisation est aussi l'homme de la répression des Hongrois en 1956. Donc, quand il rencontre Kennedy, là, deux mois plus tard, à Vienne, les jeux sont faits. À peu près. Parce que ça fait déjà un moment que les Allemands de l'Est se préparent dans le plus grand secret. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Grâce à leurs taupes respectives, nous a dit M. X, les deux super grands voyaient clair dans le jeu de leur partenaire. confirmation dans les mémoires de Marcus Wolf, le maître espion de la RDA. Détail intéressant, il existait aussi une taupe du côté français. Un certain Peter Kranich, un ancien légionnaire qui travaillait au quartier général français à Berlin-Ouest, le quartier Napoléon. Extrait. Bruno, c'était son nom de code, était un agent difficile à traiter. Très spontané, un peu fou même. Mais il nous a été fort utile. C'était notre seule source directe au sein de la forteresse qu'était le quartier Napoléon. Lorsque le mur a été construit en août 1961, il nous fallut recueillir le maximum d'informations sur les réactions des Occidentaux et particulièrement celles des responsables politiques et militaires des forces d'occupation à Berlin-Ouest. Grâce à Bruno, qui était alors notre seule source importante du côté français, nous avons su que les Alliés n'entreprendraient rien contre le mur et n'effectuerait pas de représailles contre lui. C'était une information d'ordre stratégique de première importance que nous avons recoupée avec d'autres sources provenant des quartiers généraux américains et britanniques, ainsi que du côté de la RFA. Hi. Hi. Hi. Le plan muraille de Chine, je vous l'ai dit, a donc été préparé dans le plus grand secret. Cependant, une phrase malheureuse de Walter Ulbricht lui-même a mis la puce à l'oreille des observateurs occidentaux présents à Berlin. Et cette phrase ? Il s'agit peut-être d'un lapsus, mais d'un lapsus significatif. On est alors à la mi-juin et Ulbricht donne une conférence de presse. Un journaliste lui demande s'il a l'intention d'élever une frontière au milieu de Berlin à la porte de Brandebourg. Le numéro 1 est-allemand répond vivement qu'il n'est pas question de construire un mur. Un mur ? Oui, alors que le journaliste, lui, n'a pas prononcé le mot « mur ». Alors vous pensez que Ulbricht, là, s'est trahi ? Et certains Berlinois de l'Est ont aussitôt compris ce que cachait le lapsus d'Ulbricht. Et ils ont décidé de décamper. Ouais. Une nouvelle hémorragie qui a peut-être poussé les dirigeants communistes à se hâter. Hein. C'est possible. Même si, je vous l'ai dit, la décision était prise depuis longtemps. Au début du mois d'août se tient une nouvelle réunion des dirigeants du pacte de Varsovie. Et cette fois, il n'y a plus aucune réserve. Tout le monde est d'accord pour couper Berlin en deux. Mais on ne parle que de barbelés. Ah oui, pas de mur. Hein. Mm-hmm. Les fils de fer barbelés ne font donc plus peur. Apparemment. Le plan muraille de Chine peut par conséquent être mis en œuvre. La date a déjà été choisie. Ce sera le samedi 12 août à minuit. Mmh. La veille d'un dimanche et en pleine vacances. Ah, c'est pas un hasard, j'imagine. Bien entendu. Le dimanche, on ne travaille pas. Et tous les travailleurs frontaliers seront donc chez eux. Quant au choix du mois d'août, ça s'explique aisément. Ulbricht et les siens imaginent que dans la torpeur estivale, les réactions internationales seront moins vives. Ce qui sera le cas. Et on verra cela dans un instant, si vous voulez bien. Mmh. Quoi qu'il en soit. Les autorités est-allemandes donnent cette nuit-là la mesure de leur efficacité. La poignée de cadres qui était dans le secret a réussi à mobiliser 8000 Vopos, près de 4000 policiers, autant d'agents de la Stasi et encore 12000 hommes des milices ouvrières. S'y ajoutent 150 chars et des membres des jeunesses communistes. Ouais. Il est vrai que c'est assez étonnant d'avoir pu réunir autant de gens sans donner préalablement l'éveil. Et ça n'est possible que sous un régime totalitaire, en tout cas. Dès 8 heures du matin, la coupure de Berlin est acquise. Une frontière de barbelés, de planches et parfois de blocs de béton sépare la ville en deux. Et ce n'est pas encore le mur qu'on connaîtra. Hein. Non, car à la tête du PC est-allemand, il y a encore des dirigeants qui ne veulent pas d'un mur en dur. Mais Ulbricht ne tardera pas à imposer sa volonté. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cette nuit-là, et dans les jours qui suivent, les autorités est-allemandes se livrent à une véritable chasse à l'homme et arrêtent préventivement tous les éventuels opposants. En même temps, les habitants des immeubles proches de la frontière sont expulsés. Et on va murer les ouvertures. Et ces parois devenues aveugles vont frapper les esprits. Mmh. On va créer aussi un no man's land à la frontière. Un peu plus tard, oui. Mais voyons d'abord quelle réaction suscite la manœuvre est-allemande. Les réactions internationales. Et aussi ouest-allemandes. Mmh. Attendez, si je vous ai bien entendu, la construction de ce mur, qui n'en est pas encore tout à fait, n'est pas une vraie surprise pour les Occidentaux. Ils s'y attendaient. Certes, même s'ils ne savaient pas quelle forme allait prendre la décision unilatérale de Moscou. Et dans cette mesure, on peut quand même parler de surprise relative. Pourtant, la CIA, pour ne parler que d'elle, disposait d'un grand nombre d'agents dans Berlin-Est. Alors quoi, on n'a pas voulu voir ? C'est ce que j'aurais tendance à penser. Kennedy, je vous l'ai dit, avait déjà tiré un trait sur Berlin. Et justement, la mollesse des réactions occidentales le démontre à l'envi. Il faut d'abord dire que tous les principaux dirigeants de l'Ouest sont en vacances et entendent le rester. Kennedy se trouve en mer, au large de Cap Cod. Macmillan, le premier ministre britannique, chasse la Grouse en Écosse et le général de Gaulle se repose à Colombey et ne reviendra à Paris qu'après le 15 août. Ouais, mais c'est surtout la réaction des États-Unis qu'on attend. Hein. Bien sûr. Puisque j'ai parlé du président français, une petite parenthèse. De Gaulle, quand il apprend la nouvelle, est furieux. Mais pas contre Moscou, contre Washington. Il faut m'expliquer, là. Pour le général, c'est avant qu'il aurait fallu intervenir et se montrer plus ferme vis-à-vis des Soviétiques. Quand Kennedy a rencontré Khrouchtchev à Vienne ? Par exemple. Il pense même que dès que les premiers rouleaux de fil de fer barbelés sont apparus, il aurait fallu immédiatement agir et envoyer des chars pour les écraser. Et maintenant, il est trop tard. Malheureusement, oui. C'est ce que pense de Gaulle. D'autant que la première réaction états-unienne semble lui donner raison. Washington publie un communiqué faisant état de mesures est-allemandes prises pour arrêter l'afflux de réfugiés à l'ouest. Mais on ne parle pas de violation du statut de Berlin. Pas du tout. Et il faudra attendre le 15 août pour que des commandants militaires occidentaux émettent une protestation et demandent l'enlèvement des barbelés et des barrières. Non, la seule vraie réaction énergique vient d'un homme, Willy Brandt. Le maire de Berlin-Ouest. Hein. En RFA, on est alors en pleine campagne électorale. Et Brandt, candidat social-démocrate pour le poste de chancelier, se trouve à l'ouest. Dès qu'il prend connaissance de l'opération est-allemande, il saute dans un avion pour Berlin. Et le soir même, du 13 août, très ému, il s'adresse à ses concitoyens et en appelle aux Occidentaux. Et il faut observer que la veille, dans un discours prononcé à Nuremberg, Willy Brandt avait prévenu « L'URSS prépare un grave attentat contre le peuple allemand. » Prémonition ? Ou lucidité. Brandt est un homme de terrain qui connaît bien sa ville. Et il sait parfaitement que les communistes ne peuvent plus supporter l'hémorragie démographique qui ruine la RDA. Rien que pendant les 12 premiers jours d'août, 17 000 personnes ont choisi de fuir. C'est considérable. Et donc Brandt sait très bien ce qui risque d'arriver. Et sa réaction est particulièrement vive quand intervient la coupure de la ville. Par contre, la classe politique ouest-allemande reste relativement passive. Et l'on verra même le chancelier Adenauer prendre violemment à partie son rival, Willy Brandt. Alors que, malgré la compétition électorale, on aurait pu s'attendre à ce que les deux hommes fassent bloc contre l'agression communiste, non ? Et Kennedy lui-même, l'homme qui ira plus tard dans l'ex-capitale du Troisième Reich, proclamait « Ich bin ein Berliner ». Je suis un Berlinois. Eh bien, ce même Kennedy reproche en termes vifs à Brandt de mettre de l'huile sur le feu. Je simplifie, bien sûr. Mais c'est bien la tonalité du message qu'il transmet au maire de Berlin-Ouest. Cependant, sans doute pour atténuer son propos, JFK envoie son vice-président, Johnson, à Berlin. Ouais, faible consolation. Hein. Et il annoncera aussi sa décision de renforcer la garnison américaine à Berlin-Ouest. Mais fondamentalement, ça ne change rien. Mais et sur le terrain, alors, comment ça se passe ? Dans les premiers jours, les barbelés n'empêchent pas de nombreux Berlinois de l'Est de passer de l'autre côté. Mais rapidement, la situation se tend. Et au bout de la troisième semaine, les VOPO, c'est-à-dire les gardes frontières, reçoivent l'ordre de tirer sur les fuyards. D'ailleurs, pour que les choses soient claires, c'est désormais le ministère de la Défense est-allemand qui pilote l'opération. Quant à Ulbricht, il est fidèle à sa première idée. Pour assurer l'étanchéité de la frontière, il faut construire un véritable mur. Et il va convaincre ses pairs ? Forcément. Et le mur aura une existence réelle avant la fin de l'année 61. Mais je reviens sur ces fuyards qui vont parfois payer de leur vie leur tentative de passer à l'ouest. Ils vont faire preuve d'une imagination débordante. Certains vont creuser des tunnels, d'autres choisiront de franchir la Spree. La rivière de Berlin, oui. En nageant ou en empruntant des embarcations. Quelques-uns réussiront, mais d'autres seront abattus par les VOPO. On utilisera aussi le réseau des égouts et des fuyards trafiqueront des véhicules pour ménager des caches dans la carrosserie et même le compartiment moteur. D'autres, de véritables acrobates, tendront un filin entre l'Est et l'Ouest. J'imagine que tous ces gens-là ont reçu des encouragements et peut-être même des soutiens des services secrets occidentaux. Ponctuellement. Mais il est évident que la CIA ne pouvait pas rester inerte. Alors, soyons clairs, ce qui intéressait surtout les services, c'était d'obtenir des informations sur ce qui se passait à l'Est. De l'autre côté du mur, quoi. Et la base des opérations de la CIA avait reçu pour mission de débriefer tous les fuyards, et peut-être d'aider à la construction des tunnels qui ont parfois été de véritables ouvrages d'art et ont permis la fuite de centaines de personnes. Mais je reviens au fond de la question. Khrouchtchev et son disciple, Ulbricht, en réalisant leur coup de force, ont espéré que les Occidentaux mettraient les pouces et accepteraient enfin de renégocier le traité de Potsdam qui avait fixé le statut de Berlin entre les alliés. Oui, mais il n'en est rien. Américains, Britanniques et Français, s'ils n'ont pas réagi avec fermeté à l'édification du mur, n'entendent pas pour autant donner satisfaction aux Soviétiques. Et ils se refusent à une nouvelle négociation. Et donc, l'épine berlinoise demeure, fichée au cœur de la RDA. Ce qui n'empêche pas les provocations et les incidents. Ah bah c'est la partie de poker menteur là, qui continue. Et de part et d'autre, on essaie de se faire peur. Fin octobre 1961, le 28 je crois, on frôle même l'affrontement. Que se passe-t-il alors? Quelques jours plus tôt, un bouillant officier américain a forcé un passage vers Berlin-Est en invoquant le statut de Berlin et les droits reconnus aux forces d'occupation alliées. Et ce 28 octobre 1961, on assiste à un spectacle particulièrement préoccupant. Des chars soviétiques et états-uniens se font face de part et d'autre de la frontière. Et si l'un de ces blindés tire, c'est peut-être le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais la sagesse l'emporte. Les chars rebroussent chemin. Dans les deux camps. Oui, mais ça signifie aussi que Moscou a gagné la partie. L'Ouest, en retirant ses chars, a admis le statu quo berlinois. Et a renoncé désormais à toute action militaire. Et Khrouchtchev, bien qu'il n'ait pas obtenu satisfaction sur tous les plans, a quand même joué finement. Car grâce à ses espions, il savait exactement jusqu'où il pouvait aller sans provoquer une réaction de force des Occidentaux. Il n'a donc jamais dépassé la ligne rouge. Et de l'autre côté, on a sacrifié Berlin à la politique de coexistence pacifique entre l'Est et l'Ouest. Mais la sauvegarde de la paix du monde était peut-être à ce prix. Hi. Hi. Hi. Des livres, beaucoup de livres en raison de la célébration du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Alors, pour commencer, le mur de Berlin, 1961-1989, de Frédéric Taylor. Le numéro spécial du Monde, disponible en kiosque 1989, La liberté à l'Est. L'histoire très complète, l'histoire des services secrets allemands de Michel Müller et Erich Schmidt-Hennebaum. Et puis un livre qui détonne un peu, mais pas tant que ça, parce que Berlin était un nid d'espions, mais Paris aussi, paraît-il, était un nid d'espions. C'est un très beau livre sur les services de l'ombre dans la ville lumière de Rocher Faligo chez Parigraphe. Vous trouverez toutes les références de ces livres sur notre site franceinter.com, un site, vous le savez bien, qui vous permettra aussi de réécouter cette émission. Valérie Ayestaraï, Michel Biou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub ont concouru à faire de cette émission celle que vous préférez, bien sûr. Et tout de suite après le flash, CO2 Mon amour de Denis Chessou.